coulage. Avec du linger, c'est le hold up, c'est le hold up, c'est le sbul bul. Calibré casqué sur le bum bum. Arrache-toi, y'a le bruit du red. Tu PDG, ton boulet validé bébé. On va te signer en CDD. Ouais bébé, on fait même dans le BTP. C'est de la frappe, pas de la CBD. On tape pas dans la CBB. On a le son qui arrache. Tu rayes ma caisse, pas grave. N'écoute pas Igarov, il risque de se faire ma rave. J'suis posé dans la loge, sous rosé, petit polo Lacoste. La petite elle veut sa toffe et j'parle au patron, j'veux ses love. Diga diga mais, j'nique tout cette année. Chica ouais, j'bois mon petit kawa. Si t'es pas carré, on est préparé. Bla bla bla. Hold up, c'est hold up. Les hommes, la zone. Et au béton, ça c'est visé. On a les dents aiguisées. Toujours la bande organisée. Et ouais, maintenant tu sais qui c'est. Et au béton, ça c'est visé. On a les dents aiguisées. Toujours la bande organisée. Et ouais, maintenant tu sais qui c'est. Grrr, hold up, hold up. J'fais des murder, murder. J'te fais danser comme ça. La caisse écoute sans bâton. T'as la fuite comme un maton. Casse pas la tête pour moi dans le game. J'suis en jet ski comme Macron. Cache le peu avant la douane. Dans les cœurs comme Balavoine. Dans les checks c'est pas la joie. Depuis quand j'ai une calage toi. L'OVNI au Michael, pop pop pop. L'Algier Alonso, pop pop pop. Hold up sur hold up, pop pop pop. BG sur le temtem, pop pop pop. Grand arme, roof, au check ça veut soulever la coupe. Les Schmitt te suivent à la loupe. Pendant que les traîtres crachent dans la soupe. Soupe, Pouta fait pas la bise. Pouta fait pas la bise. Pouta fait pas la bise. Pouta fait pas la bise.